T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, un événement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver en ce mois d'août 2017 pour l'épisode numéro 387 de Planet Indie. Et oui, ça avance, et l'été aussi avance. Vous êtes d'ailleurs peut-être en vacances ici dans la région, vous nous écoutez peut-être via internet par l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout du monde. En tout cas, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour une heure et demie donc de découverte musicale, une heure et demie du meilleur de la musique indépendante, de la musique alternative. Et aujourd'hui on va voyager, bah oui, comme chaque mois, on va aller en Suède, on ira aussi en Serbie. Et puis pour notre powerplay, on ira vraiment aux antipodes, nous irons en Australie. Ça c'est pour tout à l'heure. Et bien pour l'heure, on commence par la Suède. D'ailleurs, les deux premiers morceaux sont des Suédois. Le premier c'est Henrik Blomqvist. Ça c'est toujours pas amélioré. C'est pas la première fois qu'on l'écoute, mais à chaque fois j'ai toujours le même problème pour prononcer son nom. On va y arriver, c'est Henrik Blomqvist and Friends avec le morceau Perfect Dream. Et ensuite ce sera le groupe Principe Valiente. Bah oui, leur nom n'indique pas vraiment qu'ils sont originaires de Suède. Principe Valiente avec Strangers in the Night. Et rassurez-vous, ce n'est pas une reprise du tout du fameux morceau du même titre. Allez, c'est parti pour la musique. Thank you. On a commencé cette émission avec des groupes suédois, doublement suédois, puisque pour commencer, c'était Henrik Blomqvist avec ses amis et le morceau Perfect Dream, et à l'instant Principe Valiente et le morceau Strangers in the Night. On poursuit avec le groupe américain Echo Drop, un morceau qui s'intitule Rebel Yell. Bah oui, il y a déjà Billy Idol qui a chanté un morceau de ce titre. Et puis Rebel Yell, ça fait aussi référence au cri de guerre des soldats confédérés pendant la guerre civile américaine. Echo Drop avec Rebel Yell, et puis après ce sera June Star et Cinnamon. You all and Hey, this is Derek Thompson from Strive, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, we're Lily Sparks. À l'instant, c'était June Star avec un extrait de son nouvel album. Le morceau s'intitule Cinnamon. D'ici 3 minutes 46 exactement, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Je vous ai dit qu'il nous emmènerait en Australie. En Australie, oui, il fait très très chaud. Ben, je peux vous dire que dans ce studio, il fait non seulement chaud, il fait étouffant. J'en profite. Je viens de trouver un ventilateur qui fonctionne. Donc, une pensée philosophique. Le gars qui a inventé le ventilateur, j'espère qu'il a eu une médaille parce que... Il l'aurait bien mérité, hein, parce que ça fait du bien. Ça va rendre un peu cette émission plus facile, on va dire. Allez, on poursuit en musique donc avec Papa Zatch, un morceau qui s'intitule Ride. Et donc, d'ici 3 minutes 46, ce sera la découverte de notre album Powerplay, mais on y reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure. I wanna ride. Wanna roll C'est extrait d'un album qui s'appelle So Far Till Now. Le groupe, l'artiste, c'est Papa Zatch. Et on écoutait le morceau Ride de 17h27. Et bien partons, si vous le voulez bien, du côté des Antipodes. Nous allons aller en Australie pour la découverte de notre album Powerplay. Alors aujourd'hui, c'est un album, je vous avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit, je ne m'attendais pas à grand chose. C'est un album qui m'a été fourni par mon ami Peter, qui vit en Suède et qui gère sa propre maison de promotion, Amy Fran, pour ne pas la citer. Alors je me suis dit, c'est encore un album country comme n'importe quel autre. Et puis une fois que je l'ai entendu, c'est le contraire de déchanter. Au contraire, j'ai été agréablement surpris. Je vous en avais déjà parlé de cet album et de cet artiste qui s'appelle Steve McNaughton. Je vous disais cela parce que sur la pochette, on le voit avec sa guitare en bandoulière et les photos de grands espaces, on va pas dire cette fois-ci de l'Ouest américain, mais les grands espaces de l'Australie et des montagnes avec des aigles dans le ciel. Puisque l'album s'intitule Eagles Aloft, donc de Steve McNaughton. Ce n'est pas un perdreau de l'année, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le milieu musical, qu'il écrit et qu'il compose ses chansons du côté de Sydney, là-bas où il vit. Puis il a sorti donc en 1992 son premier single qui s'intitulait Homecoming, You've Come Back Home. Il a commencé aussi sur la chaîne ABC et sur les radios commerciales australiennes. Et puis, il s'est répandu un peu plus loin. Il était diffusé en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour Steve McNaughton. C'est un album, il y a de la country, il y a de la pop, du rock, du son West Coast. Vous allez voir. Je vous propose un premier extrait. Cet extrait, c'est une reprise. C'est assez rare qu'on passe des reprises. On préfère souvent les compositions originales, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que celle-ci, elle est suffisamment proche de l'original pour que, vous ayez envie de chanter avec, et puis elle est suffisamment différente pour qu'on se rende bien compte qu'il s'agit d'une reprise. Il s'agit d'une reprise des Eagles. Ce n'est pas le plus facile non plus. Et le morceau s'intitule One of These Nights, reprise des Eagles par Steve McNaughton. Et c'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. What turns on your light? Phone boy is calling, the fever is high, and the wicked wind whispers and moans. You got your demons, you got desires, well I got a few of my own. Someone to be kind to, in between the dark and the light. One that really screams. Cliff of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists is Planet Indie with Pierre Girard. Voilà, c'était un extrait du tout nouvel album du groupe Les Pink Dust. Ils se sont présentés eux-mêmes. Leur nouvel album s'intitule Night Vices. Et le morceau qu'on écoutait, c'était Inside My Head. Si vous êtes au bord de la plage, que vous hésitez à aller vous baigner dans la mer parce que vous avez peur des requins, eh bien, vous faites appel à Exico. Bah oui, on va l'écouter. Puisque son morceau s'intitule Shark Killer, ou le tueur de requins. I'm broken. Shining the spotlight on Hoboken. I'm in the Hudson. I am a spy for the Russians. Thank you. Jackson tactical shotgun underwater. I need to kill a shark killer. He's getting smarter. The days are getting longer, so much longer. Like a cowboy underwater, I'm growing stronger. Je rappelle donc que ce morceau s'intitule Shark Killer. C'est un artiste qui s'appelle Exico, et c'est la première fois qu'on l'écoute dans cette émission. Je vous ai dit aussi en commençant qu'on allait voyager pas mal. On a déjà été en Suède, on revient d'Australie. Eh bien, dans la série des pays qu'on visite pas spécialement rarement, on va aller cette fois-ci du côté de l'Autriche avec un souvenir, parce que c'est un morceau qui date de 2005. Puis j'ai ressorti l'album dans ma collection et je l'ai réécouté. Puis je me suis dit, oh bah oui, ça sonne pas mal, on va pouvoir le réécouter. Donc le groupe s'appelle In In A Gap, et cet extrait d'un album qui s'intitule Software Society. On va en écouter la plage d'ouverture qui, elle, s'appelle Flat Beat. Et en parlant de morceaux souvenirs, je vous rappelle que cette année, eh bien, nous allons fêter les 20 ans de Planet Indie. Bah oui, ça fait un bail. Et que je vous avais promis des émissions récapitulatives pour remonter un peu le temps et voir tout ce qu'on a eu l'occasion de découvrir depuis 20 ans. Donc on va commencer à la rentrée au mois de septembre avec une première émission, et puis il y en aura probablement une deuxième, voire une troisième. Peut-être même qu'on tiendra le coup jusqu'à la fin de l'année avec ces émissions récapitulatives, si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 00 44, 26 54 00 44, ou alors par email, par Facebook aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, le morceau vient de démarrer, donc on va l'écouter d'abord en arrière-fond. On va rembobiner tout et on recommence. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook, on a un groupe et il y a pas mal d'artistes aussi qui sont présents. Donc si vous les aimez et qu'après les avoir découverts pendant l'émission, vous avez envie de papoter un peu avec eux, n'hésitez pas. Donc vous tapez Planet Indies dans Facebook, avec un E à la planète, et vous retomberez directement sur nous. Allez, on écoute In In A Gap avec Flat Beat, et puis après ce sera le morceau Born 53, The Great Liberator. Someone has to stop you. Time's got to break the rules. Sometimes you have to stop the fight. Voilà, c'était un aperçu de nos prochains retours en arrière. Là, on était en 2005 avec Inna La Gap, les Autrichiens, et ce morceau intitulé Flat Beat. On va poursuivre avec Born 53, je vous l'avais dit, mais j'en profite aussi pour vous signaler que nos amis de Montréal, nos amis de Mystery, un groupe qu'on aime beaucoup et qu'on écoute, qu'on réécoutera, alors ça ne fait aucun doute, dans l'une de ces émissions récapitulatives, ils viennent de sortir un double album et un DVD filmé en avril 2016 aux Pays-Bas, au festival Prog Dream 5 ou Prog Dreams V. Je pense que ça veut dire 5. Ça s'appelle Second Home, double album, double CD et DVD du groupe Mystery. Et si vous les aimez, dans le cadre de leur Mystery Tour 2017, ils seront en concert en Belgique le 18 août, donc c'est bientôt. à Verviers. J'imagine que c'est au Spirit of 66, mais je suis pas sûr. Voilà, ils seront en tournée, si vous les ratez en Belgique, vous pouvez les voir en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et bien entendu aussi au Canada, le fameux groupe Mystery avec Michel Saint-Père. Allez, on poursuit avec Born 53 et The Great Liberator. Thank you. s'appelle Born 53. Bah, je vous laisse plus, il ne vous reste plus qu'à calculer son âge vous-même. Et le morceau s'intitule The Great Liberator. 17h52 minutes. Il est grand temps, parce qu'on n'est pas en avance encore de nouveau aujourd'hui. Je parle de trop, c'est incroyable. Il est grand temps de passer, retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle qu'il s'agit de Steve McNaughton avec un album intitulé Eagles Aloft. Alors, Steve McNaughton, il a sorti à l'époque plusieurs singles sur les compilations du Big Backyard. C'est marrant parce que je vous parlais des émissions récapitulatives qu'on ferait à partir du mois prochain. Et le Big Backyard, eh bien, je passais notamment ces compiles à l'époque. C'était sur une autre station, mais je me souviens pas non plus avoir tiqué sur Steve McNaughton. Il faudrait que je retrouve ses CD et que je vois un peu ce qu'il faisait à l'époque. Donc il a plusieurs singles qui sont sortis sur les compilations du Big Backyard. C'était un organisme de promotion de la musique australienne. Et c'est ainsi qu'il a attiré l'attention de l'industrie musicale et aussi grâce à des festivals de musique, notamment au Midem en France ou au Popcom en Allemagne. Il a été diffusé sur des radios aux États-Unis, en Allemagne et notamment en Nouvelle-Zélande aussi. Et puis c'est comme ça donc que sa carrière internationale a commencé. Il a écrit aussi des chansons qui s'inspirent de l'actualité, notamment Stalingrad Still Stands ou encore Hold Me Tight, qui sont des chansons qui sont inspirées par des batailles importantes au cours de la Seconde Guerre mondiale et aussi dans le cadre de la présence des soldats des Nations Unies en Bosnie. Et c'est marrant parce qu'en parlant de la Bosnie, on n'ira pas loin tout à l'heure puisqu'on ira du côté de Belgrade, mais ça c'est pour tout à l'heure. Son premier album est sorti en 1999, il s'intitulait Hardly Softly Rock. Et il y a dessus notamment un duo avec le légendaire rocker australien John Swan. Bon, on va s'arrêter là parce que voilà, on va écouter le morceau de Navigator. Je vous ai mis la vidéo une vidéo enregistrée en public de ce morceau sur notre groupe Facebook. Je vous rappelle donc le nom de ce album. Ça s'intitule Eagles Aloft. L'artiste c'est Steve McNaughton et c'est notre powerplay pour cette émission numéro 387 de Planet Indie. Powerplay. Powerplay. You have such a young face. You must have earned your stripes at rocket pace. Show back inside, it's a brand new tie. You wear your wings to fly with. Up through the clouds and into the blue. The captain checks all the systems through. Scanning the skies for a new direction. Plotting your life course as you go. You're in the cockpit, but you're not the main man now. Navigator, you're up there on your own. But you're not alone. The sky surrounds you. Navigator, you've gotta bide your time. Learn to wait in line until they find you. They put you on the red eye. Had you pushing all through the night. Your destiny is not always as it seems. Hopes and dreams fade before your eyes. The glamour's gone, that's no surprise. You want it all too quickly, they can tell. You're in the cockpit, but you're not the main man now. Navigator, you're still away. Surround you. Navigator, you've gotta bide your time. Learn to wait in line until they find you. Ce qu'on écoute, c'est les night birds, ben, les oiseaux de nuit. La nuit, c'est pas encore pour tout de suite, hein. Il fait clair pratiquement jusque 21h30. Ah ben, j'en profite pour faire la transition avec vous signaler qu'à 21h30 aujourd'hui, eh bien, c'est de nouveau une séance du City Open Air Cinéma. Ça se passe à Luxembourgville, dans la cour des Capucins. Allez-y, c'est toujours sympa comme activité en soirée, avant de sortir peut-être pour plus tard. Et aujourd'hui, le film qui sera diffusé, c'est Thelma et Louise. Voilà, ça se passe donc dans la cour des Capucins, à Luxembourgville. On poursuit avec de la chanson française, Manon Tanguy, Sous les vagues de minuit. Et puis ensuite, Jan Alexander, Laure et Frédéric. Sous les vagues de minuit, je cherchais une main qui connaissait ses fonds. lassant. Chaque pensée confuse ma marche peine à progresser dans la vallée. Les morceaux de mon corps semés parmi les algues pour alléger la nage et laisser dans les abysses quelques indices. Qu'espères-tu trouver? Qu'espères-tu trouver? Qu'espères-tu trouver? Se jette dans la mer, les amants d'une Bretagne que l'on voulait immortelle se jettent dans les vagues avant la prochaine tempête pour y noyer leurs larmes de simples mortels. Laure et Frédéric. Deux ombres chaque soir murmurent comme les vagues se tiennent main dans la main dans les ruelles pavées, et celle qui ne dort pas peut les voir rire et s'envoler. Oh, oh, oh là, porte au loin à lui. l'amour est plus fort que la mort. Le désespoir ne dure pas. L'amour est plus fort que nos regrets. Il est soleil dans le noir. Si jamais tu doutes, pense à Laure et Frédéric. Laure et Frédéric. Laure et Frédéric, que le vent les emporte au loin. Restez bien avec nous, nous sommes ensemble encore pour une vingtaine de minutes jusqu'à 18h30. À l'instant donc, c'était John Alexander avec Laure et Frédéric. On va poursuivre avec Annie DiFranco et Terrifying Sight. Avant cela, j'en profite pour vous parler du VCA's 2017. C'est organisé par le Rock Lab. C'est la 5e édition du Video Clip Awards. Ça se passe donc au Rock Lab. C'est pour vous si vous êtes un directeur de film ou alors un directeur de film et que vous avez travaillé avec un groupe local ou international. C'est aussi pour vous si vous êtes un groupe luxembourgeois ou un artiste luxembourgeois et que vous avez déjà des vidéos à proposer. Donc ce concours... vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 20 octobre et ça se passe sur le site www.sonicvisions.lu/VCA. Ça, vous avez toutes les informations et la cérémonie de remise des prix se tiendra le 18 novembre. Je vous en reparlerai de toute façon plus longtemps au cours d'une prochaine émission. Pour l'heure, elle a déjà commencé sans me demander mon avis. C'est Annie DiFranco donc avec Terrifying Sight. Puis après, retour sur notre album Powerplay, celui de Steve McNaughton. Thank you. Elle s'appelle Annie DiFranco, cet extrait de son album Binary ou Binary. Le morceau s'intitule Terrifying Side. Retour sur notre album Powerplay pour la troisième et dernière fois aujourd'hui. L'album Eagles Love de Steve McNaughton. Donc après son premier album, eh bien il a rapidement sorti en l'an 2000 un EP qui s'intitulait Sydney Olympic City, qui a été, eh bien, qui est sorti pour les Jeux Olympiques en l'an 2000 qui sont déroulés à Sydney. Comme toute la presse internationale était là, eh bien il a eu pas mal d'échos et pas mal d'ouvertures internationales grâce à cet événement. C'est ainsi donc qu'il a sorti tout de suite après son deuxième album qui s'intitulait Storm Chaser, en hommage eh bien, aux chasseurs d'orages, les photographes et les caméramans qui vont filmer les orages. Si vous allez sur son site internet ou sur YouTube, vous verrez des extraits de ses chansons avec certaines vidéos qui représentent eh bien, les orages. C'est à eux que cet album est dédié. C'est un album plutôt avec de l'énergie rock'n'roll. Ensuite, eh bien, on arrive à notre album du jour, l'album Eagles Loft. On écoutait tout à l'heure une reprise des Eagles, donc Steve McNaughton, eh bien, il reprend de temps en temps sur scène des morceaux. Ses chansons favorites en concert, c'est la chanson I Won't Back Down de Tom Petty, ou encore Safe Tonight de Eagle Eye Cherry, et ainsi, alors là ça peut être que bon aussi, Who'll Stop the Rain de Creedence Clearwater Revival. Il a un répertoire de plus ou moins 50 chansons originales qui eh bien, vont du rock à la pop, à la country et au West Coast. Voilà, c'était pour notre présentation aujourd'hui de Steve McNaughton, troisième extrait qui s'intitule Floating. C'est, si tout à l'heure, eh bien, dans le morceau de Navigator, on pouvait avoir une influence de David Bowie, ici donc on va plutôt retrouver les influences de Iggy Dai Cherry et de Tom Petty. Je vous rappelle que je vous ai mis la vidéo de The Navigator, enfin une vidéo enregistrée en public de The Navigator sur notre page Facebook. Pour l'heure, eh bien, on l'écoute parce qu'on n'est pas en avance ce soir. Power play. I wandered past the graveyard where my friend was laid to rest. The dark memory of that night asked me had I passed the test. A young man in his 20s just trying to do his best. But alcohol can make you feel you're braver than the rest. Why did you run away? What were you running to forget? filled with crazy energy, we're left with last regret. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. I see your spirit clearly, you and I can find our peace. I try to understand and seek the key for your release. I took you to the rhythmic height, you left me in the depths. The place you left me wondering was how your young life led. What were you running from? What drove you to drive that night? With senseless bravado on your adrenaline fuel fly. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. Any young boy with fire in his heart, any young man's desire gets a start. Soars above, the music still goes on somehow. Knowing this is what you love, my memory lets me leave you now. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. I see you floating, floating, I feel you floating, floating. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. Rock me all the way to China. Rock me to Mars. I dreamed you were my baby, and we flew between the stars. I dreamed you really loved me. I could tell by the way you played your guitar that you could rock me to China. You could rock me to Mars. Tell me a story. Play me the opening line. Let it be a long one. You could start it once upon a time. Leave out the regrets. Let's forget the who's who. Till there's nothing left but a pocket full of secrets all about you. Rock me all the way to China. Rock me to Mars. I dreamed you were my baby. Flew between the stars. I dreamed you really loved me. I could tell by the way you played your guitar that you could rock me to China. You could me. Say it or play it out loud. What you see, think of me. Everything you've heard or seen, running through my mind now. I am the stream, you are the stream. Quand je vous disais qu'on allait voyager aujourd'hui, pas seulement sur la Terre, puisqu'on est sur Mars avec Carrington McDuffie, Rock Me to Mars. On est un peu à la bourre, je vous l'avais dit en cette fin d'émission, donc on va devoir mordre un peu sur les derniers morceaux. Après Carrington McDuffie, eh bien on va passer à Fire It's Serious et le morceau Sissick. Et je profite de l'intro pour vous parler de la programmation de la Rockale. Heureusement, ça va être assez rapide parce que en ce mois d'août, il n'y a pas grand chose. Le 12, ce sera un atelier d'introduction au logiciel Ableton Live, si vous voulez faire de la programmation musicale. Le 20, la diffusion du film Gimme Danger, c'est un film qui retrace la vie des Stooges, ça se passe aux Rotondes. Et puis le 22 août, le concert de Parc et Cour. Après ça, on arrive au mois de septembre avec Richie Kotzen, le 19. Allez, on écoute Fire It's Serious avec Sissick. Et puis on va essayer de trouver un peu de temps pour passer Sergei77 et Melanie Colli, qui nous emmèneront à la fin de cette émission et du côté de Belgrade en Serbie avec le morceau Illusion. Voilà, et bien cette émission Planète Indie numéro 387 est pratiquement terminée. On va prolonger d'une ou deux minutes pour écouter le dernier morceau. Le dernier morceau, c'est Sergei77 et Melanie Colli, un morceau qui s'intitule Illusions. Cette émission eh bien, sera rediffusée demain entre 17h et 18h30. N'hésitez pas à la réécouter sur cette même fréquence. On va vous mettre aussi le podcast sur le site web de Planète Indie. Nouvelle adresse, enfin l'adresse ancienne est toujours la bonne, mais vous pouvez nous rejoindre sur un autre nom qui est peut-être plus facile à retenir, www.ilovemusic.ga. www.ilovemusic.ga. Voilà, c'est lancé officiellement cette adresse, ça devrait fonctionner. Voilà, je vous retrouve au mois de septembre, le 2 septembre, pour la première émission récapitulative des 20 ans de Planète Indie. Donc d'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances si, comme moi, eh bien, vous allez seulement les prendre. Et rendez-vous donc le 2 septembre pour l'émission numéro 388. A bientôt. Procurators have to play, they wish to earn some money. Equity is what they see for the current company. All over the planet, people ask for saturated freedom, but what they want to know and see, it's just illusion. Illusion. Illusion. Just illusion is what they see. Just illusion. Just illusion. Procurators love to claim they wish to earn some money. Equity is what they see for the current company. All over the planet, people ask for saturated freedom, but what they want to know and see, it's just illusion. La la la la la. Illusion.